Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, Marc est de retour avec nous et on va commencer avec Kimmo Porsti de son nouvel album Past and Present qui doit être lancé en septembre. Et vous le savez, Kimmo, c'est le batteur de Samurai of Prague, un groupe. Un collectif très productif. Donc, le troisième album solo pour Kimmo Porsti. Ce sera suivi de The Watch, The Art of Bleeding, un autre album qui doit paraître en septembre. Nous, c'est notre second extrait qu'on présente, All the Star Down. Et puis, Marc, je pense qu'après ça, on fait un tour du côté du Royaume-Uni. En effet, on ira avec la formation Cosmograph, qui est le projet de Robin Armstrong, multi-instrumentiste, donc. Et c'est leur huitième album, l'album Rattrapante. C'est un album qui comporte 5 pièces portent sur la relation qu'on a avec le temps. On aura la pièce In 1985 et ce sera suivi d'un autre compositeur britannique, Deck Burke. Deck Burke qui est membre de la formation Frost et également membre fondateur de Darwin Radio. Et il nous présente ici son album Life in Two Dimensions. C'est son quatrième album dont la parution est prévue pour le 24 septembre prochain. On aura la pièce Energy. Mais tout d'abord, tel que tu l'as annoncé, Kimmo Porsti et The Watch. Thank you. see me sailing through the air, in silence secret as a prayer. Petals of blood flutter to the floor, arms open wide in empty embrace, single bullet in the face. Counting out its low ricochet, my feet dance a crazed ballet. Fingers spin ribbons of sinew and gore. Red's iron ribcage burst apart, a second bullet to the heart. As one stood we all, as one now we fall. So how the stars down in collective pain, foretell lost and found and lost again. Agony flashes mind to mind, in uniformity confined. Warm rising tides lift me up from the shore. A winter pace sun beckons over the sea, to a place where I can be me. I drift out alone, journey unknown. So how the stars down in collective pain, for ten lost and found and lost again.

Le Parvis sont de retour à la Maison de la littérature. Les dimanches après-midi, découvrez les univers fabuleux des conteurs et conteuses invités. Un rendez-vous gratuit à la Maison de la littérature, au cœur du Vieux-Québec. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur, faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. On va donner le coup d'envoi de ce second bloc avec une formation britannique. On a présenté un extrait de son plus récent album Beyond la semaine dernière. Il s'agit de Fragile, vous le devinez, groupe hommage à Yes depuis une vingtaine d'années, mais qui à l'occasion présente des disques avec des compos. Et c'est le cas, là, on vous présente un extrait de leur premier album qui a pour titre Golden Fragment. Ça sera suivi d'un second extrait de l'album de Cosmograph. Et puis, Marc, on aura aussi un second extrait d'un autre album qu'on écoutait tantôt. Oui, il s'agit de la formation The Watch, tirée de leur nouvel album The Heart of Bleeding, qui va paraître le 24 septembre prochain. On aura donc un troisième extrait à l'émission. Hatred of Wisdom, c'est le titre de la pièce. Et c'est un album spécial, puisque en plus de nouvelles compositions, le groupe revisite notamment The Fisherman, qui était paru sur l'album Twilight en 1997, là, alors que le groupe portait le nom de The Night Watch. Donc The Watch, mais tout d'abord Fragile et Cosmograph. Jump! Changing. Journey is Time blunts the knife that shapes the soul. Time makes you feel like you've lost your prime. Time puts the meaning into the rhyme. Time shapes, time destroys. Time brings an end to all your joys. Time fills the day. Time lets us play. Time is the oil of all that we say. The era gone, the road is long, the task ahead, the words unsaid. But when the hands stop, it's too late to try to cross the sky, to learn to fly before you die. The life's ambition, the secret mission, the love you need, the lonely seed that starts to grow, time will flow. Time brings change in depth and range, the shoulders broad, the mighty fjord. But time runs out and can be short. It ticks and twists with every thought. We measure time but waste it more, equally bound the rich and poor. Use it well, for it can't be made. Do it now, don't be afraid. When the hands stop, we fall away. Remember those back in the day, the brave, the true, the mighty glue that holds us all in time. Sheep will fly. Watching light. CKRL. Communication. Communication. Communication. Culture. Culture. Culture. Culture. Culture. Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour la prochaine demi-heure, ben, on aura en tout premier lieu une formation britannico-française qui a pour nom Drifting Sun. C'est pas des nouveaux, c'est leur 7e album studio. Et on remarque à la basse la présence de John Jowett, un musicien britannique très connu et versatile. Et comme chanteur... John Jargon Cosmidis, le chanteur de Verbal Delirium, donc ça promet, tout de suite, ça, en tout cas ça éveille la curiosité. On a un premier extrait ce soir. L'album devrait paraître fin octobre en CD, en téléchargement évidemment, et puis en double vinyle, mais ce sera une édition limitée. Ce sera suivi de Elisa Montaldo, la claviériste italienne de la formation Il Tempio delle Clessidre. Cette fois-ci, c'est un essai solo. C'est son second essai, d'ailleurs, comme le titre l'indique. Fistful of Planet Part 2. Tout, hormis Il Tempio de l'Ecclésidré, la claviériste a aussi fait partie du projet VLY, VLY, avec notamment Carl DeMatta de Crippled Black Phoenix et Mathias Olsson de Anglagard White Willow. Un album seulement en 2015, et on aimerait bien que tout ce monde se retrouve de nouveau pour un second album. Et puis, elle a aussi dernièrement contribué à l'album... The White Snake and Other Grim Tales 2 de Samurai of Prague. Je pensais au début qu'elle est invitée comme claviériste et non, elle est invitée comme chanteuse. Et puis Marc, je pense qu'on va avoir aussi une nouveauté américaine. Oui, on parle ici de la formation Anyone qui a été formée au début des années 90 par Rhys Story, avec notamment John Davison, qui est maintenant chanteur de Yes, et Taylor Hawkins, qui est dans les Foo Fighters. Alors, c'est leur quatrième album, un double album concept, qui porte le titre de In Humanity, qui va paraître le 12 octobre prochain, et les précommandes sont disponibles à partir de la mi-septembre. C'est un album, donc, concept basé sur une nouvelle, Rhys Story, multi-instrumentiste, a travaillé sur ça pendant une dizaine d'années. Alors, un double album à paraître, on aura la pièce Apocalypse. Mais tout d'abord, Drifting Sun et Elisa Montaldo. We'll be right back. used to hope that life could bring me peace, could lull asleep my deeply gnawing mind. I was a fool, the senses clear with time. I used to hope, I used to love, to cure my old disease. Love led me to a thing of enmity. Senses clear with time. To the close at our child's spell, grieves a log in the fireplace, smokes and hands, falsetto to the close at we'll be right back. kisses sweet, her singing merrily. Sun rises in my heart, warm in my aching soul. is all faded in the night. It's gonna slip away. It's gonna slip away. Thank you. CKRL 89.1. Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Un petit coup d'œil dans le rétroviseur, comme on fait souvent pour le dernier bloc musical de l'émission. Ce soir, on entame la demi-heure avec Kazen, un groupe formé en 1992 par un ex-membre de Quaternaire Requiem, donc une formation brésilienne. Seulement deux albums à son actif, Gargoula, donc on va entendre un extrait dans quelques minutes, c'est la pièce Zénith, et puis l'album est paru en 1994, je disais, et puis le groupe est revenu 25 ans plus tard avec un deuxième album paru en 2019. Donc malheureusement c'est très bon, mais c'est très rare aussi. Et puis Marc, je pense qu'après ça on va faire un tour du côté de la Finlande. Oui, il s'agit de la formation Scarab. C'est une formation qui a été fondée à Helsinki en 1983, alors que les membres étaient encore des étudiants. Et la formation a évolué jusqu'à ce que ça devienne la formation Ageness. Et l'album porte le titre « To Ageness Vintage Recordings ». Alors, on aura la pièce « Asylum 52 » de la formation Scarab. Mais tout d'abord, « Kaizen ». We'll be right back. Thank you. conclure l'émission de ce soir, ben, on a choisi une pièce du tout premier album de la formation néerlandaise Flamborough Head. Il s'agit d'un extrait de Unspoken Whisper, paru en 1998. C'est déjà le temps de vous quitter, donc, et je vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Bonne nuit à l'écoute de CKRL. But even when

pas de moi, c'est une phrase à placard. Même si je joue plus au baseball, je traîne ma mythe dans mon char. J'attendrai pas à demain pour vivre dessus. Y'a ça, ma mythe est du bon bord. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. Pour le meilleur du métal à Québec. Vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. Tous les vendredis de 17h30 à 20h, vous avez rendez-vous avec Messieurs Dynamite. Messieurs Dynamite, une émission animée par Étienne Parent-Legourdet, Christian Lavoie et Jean-Sébastien Grondin. Pour du groove, du funk, du soul et de l'afrobeat. Messieurs, sur les ondes du 89.1. Les gens, ils pensent que parce que t'es dans un groupe de rock, t'écoutes que du rock. Je vais défaire le mythe. Malheureusement, non. Fait que souvent, chez nous, Raph et moi, seuls ou avec notre copine, on écoute de la musique un peu plus mollo. Ce jeudi 19 août, dans De bouche à oreille, découvrez New Bleach, dieu électropop de Québec. Je les ai invités au Quai 1635 pour goûter les spécialités de ce restaurant au bord du fleuve dans Cap-Rouge. On parlera musique et gastronomie, bien sûr, mais aussi de voyage, car c'est leur intérêt commun avec mes autres invités, les blogueurs de Québécois autour du monde. Alors, qui a dit que c'était difficile d'être touriste dans sa propre ville? De bouche à oreille avec New Bleach au Quai 1635, c'est le 19 août, 16h à CKRL. Rediffusion les 21 août 15h et 22 août 20h. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant d'habitude un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps.